Tout d'un coup, le bruit courut que le souverain voulait faire grâce à tous les conjurés. Et l'origine de ce bruit fut l'annonce d'un grand spectacle où Fanciul devait jouer l'un de ses principaux et de ses meilleurs rôles et auquel assisteraient même, disait-on, les gentilshommes condamnés. Signe évident, ajoutez les esprits superficiels, des tendances généreuses du prince offensé. De la part d'un homme aussi naturellement et volontairement excentrique, tout était possible, même la vertu, même la clémence, surtout s'il avait pu espérer y trouver des plaisirs inattendus. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade, il était infiniment plus probable que le prince voulait juger de la valeur des talents scéniques d'un homme condamné à mort. Il voulait profiter de l'occasion pour faire une expérience physiologique d'un intérêt capital et vérifier jusqu'à quel point les facultés habituelles d'un artiste pouvaient être altérées ou modifiées par la situation extraordinaire où il se trouvait. Au-delà, existait-il dans son âme une intention plus ou moins arrêtée de clémence? C'est un point qui n'a jamais pu être éclairci. Enfin, le grand jour arrivé, cette petite cour déploya toutes ses pompes et il serait difficile de concevoir, à moins de l'avoir vu, tout ce que la classe privilégiée d'un petit état, à ressources restreintes, peut montrer de splendeur pour une vraie solennité. Celle-là était doublement vraie, d'abord par la magie du luxe étalé, ensuite par l'intérêt moral et mystérieux qui était attaché. Le sieur Fanciul excellait surtout dans les rôles muets ou peu chargés de paroles, qui sont souvent les principaux dans ces drames féeriques dont l'objet est de représenter symboliquement le mystère de la vie. Il entra en scène légèrement et avec une aisance parfaite, ce qui contribua à fortifier dans le noble public l'idée de douceur et de pardon.